L'agonie, chapitre 6. Ce soir, un carouquet emporta à Tilius et Madé en un piaffement de bête et un glissement de 4 roues à 12 rayons palmés qui firent trépider la petite et muette rue du quartier des Carènes. Les citoyens s'écartaient devant ce char sonore, monté haut sur un caisson carré, orné de bronze et d'ivoire, et ciselé d'argent et d'or, qu'un aurige, courant auprès de ses 4 chevaux blancs, menait vivement. Autour du Romain et du Syrien, surexposés par le char courant en une rectitude qui soulevait un cumulus de poussière, des imprécations s'élevaient, des faces furieuses de vieux polythéistes, des yeux colères d'occidentaux indignés de l'érection du culte nouveau que l'entrée prochaine d'Elagabalus rendait inévitable. Un plébéien montrait le poing à Madé, dont la mitra accusait la race. D'autres ricanaient en se désignant à Tilius, cuirassé de son calcoquiton d'or semé des mots. Il était évident que, déjà, le peuple romain répugnait aux mœurs orientales, qu'il n'acceptait ni la pierre noire, ni ses sectateurs, ni ses prêtres, ni son thaumaturge, ni son empereur. Qu'il répudierait un jour ou l'autre les barbares, dont le grossier intellect tendait à dépersonnaliser les riches, vivantes et émues mythologies du monde occidental, au profit d'une divinité à forme simple, bonne pour des esprits inférieurs, et qui, outre sa contre-naturelle signification, voulait absorber des dieux si bien humanisés. Attilius, sa mission auprès du Sénat accomplie, était présentement le premier des officiers de la garde prétorienne. Et il se rendait au camp d'Elagabalus, le camp des prétoriens, sur les hauteurs de la ville, prendre possession de son poste nouveau. Des cohortes se poussaient, dans le soleil luisant, avec à leur tête des musiciens jouant de la tuba, trompettes de bronze fort longues ou soufflant dans des cordes cuivre. Une turme fila en galopant, enseignes éployées, entonnèrent d'acclamations. C'était sur le Quirinal, un quartier pauvre, à sa droite, mais riche, à sa gauche, de temples, de jardins et de palais, d'où les faubourgs de Rome s'entrevoyaient, gris et bleu, sous des floscules de fumée montant droit, comme des colonnes immenses, dans le ciel d'un opaque outre-mer qu'aucun nuage n'a languissé. Partout, bordant des voies ou larges ou étroites, en un échiquier fortement brouillé, en avalement et dévalement de chars et de piétons, des édifices, des tombeaux blancs ou polychromés, des villas espacées, trouant de façades planes de végétation de jardins entourés de murailles où des fleurs souriaient, roses, violettes, rouges et bleues. Des aqueducs enjambant des toits de maisons, des terrasses nombreuses sur lesquelles pointaient des silhouettes de Romains et de Romaines, à toges, à chlamys, à tuniques, à cyclas, à synthésis, dont les couleurs faisaient des gammes et des chatoiements. Le carouquet descendit ensuite la pente esquiline, pénétrant à même, avec des hurlements de l'aurige soufflant et suant, dans le fourmillement populaire de plus en plus épais, qui toujours jetait ses colères, ses indignations et ses imprécations à la face immobile d'Attilius et de Madé. Au fond de la plaine s'aperçut alors le camp des prétoriens, qui était le camp d'Elagabalus, d'où s'évasaient des fumées, d'où s'échappaient des musiques réitérées d'instruments, pendant que de tous côtés accouraient, confondus, citoyens, esclaves et affranchis, de la grande ville subjuguée par l'Orient. C'étaient des fonctionnaires courant au-devant d'Antoninus, avec des sénateurs désireux de reconnaître la nouvelle puissance. Les quatre courroies de leurs chaussures noires montaient jusqu'au milieu de la jambe, avec, au sommet du pied, un croissant d'or ou d'argent. Des chevaliers dont la pagule de pourpre, cousue au milieu de la tunique, était plus étroite que celle des sénateurs. Des tribuns à laticlaves dans leurs chars, assis sur des pliants ornés d'ivoire. Des citoyens suivis d'esclaves, le front bondé de roses. Puis des marchands de beignets, de fritures et de boissons chaudes, des diseurs de bonne aventure, des avaleurs de glaives, des charmeurs libyens, plusieurs serpents enroulés à leurs bras luisants. Des gladiateurs qui s'entouraient de curieux, des soldats isolés rejoignant leur cohorte en un éclat de piques et de casques de fer. Et ce monde avançait, le dos tourné vers la ville, cherchant à voir le camp qui apparaissait au fond en une solide symétrie, avec ses tentes, ses faisceaux, ses enseignes, sa muraille de gazon, haute. Ses rues, ses hommes, ses chevaux, ses balistes et ses catapultes aux échafaudages noirs, et à la partie supérieure, une immense tente, toute de pourpre, couronnée d'oriflammes, celle du jeune empereur. C'était comme, de loin, un décalque violent, où les regards surplombés, de chevaux, aux robes luisantes, attachés à des pieux fichés en terre, de décurions faisant couvrir de peau les tentes, et de soldats aiguisant à une pierre leurs javelots, ou s'essayant une cotte de maille à imbrication de fer. Des passages de patrouilles traversaient les intervalles, avec des rayonnements de boucliers ronds ou rectangulaires, pendant qu'autour des fossés, hennissantes, remuantes, des turmes piaffaient. Puis des éparpillements de rumeurs, des bruits de disputes s'éteignant aussitôt en des frénésies de trompettes dont le chant était distinct. Par une porte doux, élargie, le camp apparaissait. Attilius et Madé allaient entrer en un glissement du char dont les roues crièrent, quand un bruit éclata, une violente dispute, probablement achevée par des coups de pique, car ils virent trois hommes se débattant sous une poussée de soldats. Ce fut une surprise qui, légèrement, creusa chez Attilius un rictus à demi bienveillant pour Amon, à demi narquois pour Aristès et Nicodémès, tous trois se lamentant, tous trois ouvrant des yeux pleurards et levant une face d'individu vraiment horrifié. L'Alexandrin et les deux Grecs, s'arrachant à la poigne des soldats, accoururent vers Attilius. Très volubile, Nicodémès supplia, et, en un langage qui bredouillait, expliqua que lui, son excellent compagnon Aristès, et le riche marchand de lentilles Amon, un Alexandrin plein de prudence, n'en voulaient pas à l'empereur. Non, si Amon était descendu dans les fossés du camp, c'était... Il n'acheva point. Mais Amon, affalé au sol, son large diploïs sur le dos étalant ses raies brunes, continua. Il avait voulu écouter le grouillement d'une branche du Tibre détournée de sa source et qui passait sous les fossés du camp, comme le lui avaient suggéré Aristès et Nicodémès. Même cette branche emportait des crocodiles capturés du Nil, gardés dans le Tibre par cette branche duquel ils s'échappaient. Et il devenait candide, sa face ronde se relevait, suppliante, vers Attilius, qui les fit tous trois relaxer. Ils disparurent alors, leurs vêtements amples serrés autour des reins, en évident désir de s'en aller au plus tôt, non sans remercier effusionnément Attilius, qui, un moment, sourit de la crédulité d'Amon et des fortes plaisanteries dont l'accablaient Aristès et Nicodémès. Dans le camp, des astères, assemblant leurs hautes lances en faisceaux radiants, virent passer Attilius et Madé. Puis ce furent des principes qui les saluèrent, roides, dans leurs cottes de cuir plaquées de fer ou d'anneaux enlacés. la cavalerie séparait ses troupes. Démunis fils gardaient les tentes ornées, à leur entrée, de l'étendard de la cohorte ou du manipule. Enfin les trières, vieux soldats à la rude peau, armés du pilome, s'alignèrent devant eux sur un signal, et ce furent encore, à une extrémité du camp, de jeunes et bouillants vélites, légèrement vêtus, ensuite des frondeurs et archers de la Crète et de l'Achaïe qui avaient suivi Elagabalus. Une extraordinaire animation flottait dans le camp, où circulaient des décuries de fantassins et de cavaliers à la marche rythmée. Pendant que des soldats et des officiers de toutes armes emplissaient le forum quand Clamis rouge dominait le quêteur. Campé sur un jarret, un coup dans l'air, des auxiliaires soufflaient en des litus d'airain, recourbés à leur articulation en des buccins de fer ou de cornes tordues. Des cataphractaires, de la tête aux pieds, vêtus d'une collante armure d'écaille, de bronze, d'or ou de vermeil, se hissaient sur leurs lourds chevaux, auxquels l'armure semblable, des naseaux aux quatre sabots, donnait un faux air de gigantesques crocodiles frétillants, pendant que des sagittaires arabes enlevaient les entraves aux leurs, de fins et nerveux animaux. Des Libyens frappaient des chameaux, qui, se dressant avec des effets de cuisses, balançaient leur tête osseuse, énigmatique et presque méprisante. Des esclaves jouaient des osselets à l'ombre des sambuques et des bascules. Prodigieuse était la quantité de ces esclaves, presque tous des Asiatiques, dont les robes aux longues et amples manches sans ceinture flottaient, laissant entrevoir des nudités de croupes provocantes que longuement regardaient des loriquaires à l'armure bandée de cuir. En plein avoisinement de la tente impériale, le camp était d'une richesse, mais aussi d'un désordre inénarrable. Le buste encerclé d'une chaîne d'or, coulant en sautoir du col à la hanche et assise devant des tentes d'officiers, des femmes pinçaient des guitares, élevant leurs bras nus et montrant leurs aisselles dépilées. D'autres processionnaient avec un psaltérion qu'elles faisaient vibrer sur la tête au moyen du plectron. D'autres tourbillonnaient dans des carrefours étroits de baraquements peints de rouge et de jaune, devant lesquels rayonnaient des faisceaux de pilums et de haches de fer. Et c'étaient des envolements bruns et blancs de chair par des ouvertures d'étoffes claires, de cyclas transparentes, des éclairs de spinter, de spatalium qui tintaient, et de périskélis à des poignets et à des jambes fuselées de danseuses. Des musiques traînantes de tambouras à cordes, roidis, et de cicutas, flûtes de pan, jouées par des lèvres chaudes, gardant encore une forte odeur de baisers d'homme de toute part venue. Beaucoup de ces femmes accroupies à terre, à l'ombre presque bleutée de jours d'étente, peignaient leurs longs cheveux, piquaient de petites pièces de monnaie d'argent trouées au milieu. Elles eurent pour le primicérius, rapidement filant dans le carouquet qui projetait des éclats, des sourires muets, rien qu'à le voir avec Madé, très fin, très souple en sa tunique flottante, qui échangea de courts saluts avec quelques Syriens, prêtres du soleil, comme lui coiffé de la haute mitra.